Maman, des sous-amphétamines. Quoi? Des sous-amphétamines? Tu prends des cachets pour ton régime, c'est bien ça? Je t'ai dit que je voyais un service. C'est ce que je crains, oui. Ces tests trop te prescrits des cachets de speed, ça se voit. Est-ce que tu te sens bien? J'ai pris la vie d'un docteur. Qu'est-ce qu'il te donne, maman? Il te donne des pilules? Mais oui, enfin, forcément, c'est un truc. Quelle sorte de pilule? Une ligne bleue et une orange. Dis-moi juste de quoi elle se compose. Ah oh, oui, ça raconte. Ah, Albert Einstein. Comment saurais-je qu'il t'attend? Et quand tu les prends, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce qu'elle te donne beaucoup de peine? Ouais, un peu. Maman, je t'entends grincer des dents depuis ma chaise. Mais non, la nuit, ça s'arrête. Oui, et lorsque je prends la pilule verte, je m'endors et en 30 minutes, c'est automatique. Maman, s'il te plaît, arrête tout de suite ce traitement. Fais-moi confiance, c'est de la plus jeune. Ça veut dire que votre but est le même. Coitus maximus. Il n'y aura aucun... Oh, est-ce que c'est la bonne? Oh, je suis en train de tomber amoureux d'elle. Il n'y aura rien de tout ça. Ce sera le plus sensuel des nirvana. Coitus maximus. Oh. Rapido Cannabis. We'll be right back. fucking ass right here, motherfucker. Vous êtes fort pathétique pour essayer de me draguer. La seule idée que vous pourriez avoir une seule chance, c'est déjà une insulte vis-à-vis de moi.